Ésaïe chapitre 55. Hola, vous tous qui êtes altérés, venez aux eaux, et vous qui n'avez point d'argent, venez, achetez, et mangez, venez, dis-je, achetez sans argent et sans aucun prix, du vin et du lait. Pourquoi employez-vous l'argent pour des choses qui ne nourrissent point, et votre travail pour des choses qui ne rassasient point? Écoutez-moi attentivement, et vous mangerez de ce qui est bon, et votre âme jouira à plaisir de la graisse. Inclinez votre oreille, et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra, et je traiterai avec vous une alliance éternelle, savoir les gratuités immuables promises à David. Voici, je l'ai donné pour être témoin au peuple, pour être conducteur, et pour donner des commandements au peuple. Voici, tu appelleras la nation que tu ne connaissais point, et les nations qui ne te connaissaient point, accourront à toi, à cause de l'Éternel, ton Dieu, et du Saint d'Israël, qui t'aura glorifié. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant laisse sa voix, et l'homme injuste ses pensées, et qu'il retourne à l'Éternel, et il aura pitié de lui, et à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Mais autant que les cieux sont élevés par-dessus la terre, autant mes voix sont élevées par-dessus vos voix, et mes pensées, par-dessus vos pensées. Car comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent plus, mais arrosent la terre, et la font produire et germer, tellement qu'elle donne la semence au semeur, et le pain à celui qui mange. Ainsi sera ma parole qui sera sortie de ma bouche, elle ne retournera point vers moi sans effet, mais elle fera tout ce en quoi j'aurai pris plaisir, et prospérera dans les choses pour lesquelles je l'aurai envoyée. Car vous sortirez avec joie, et vous serez conduits en paix, les montagnes et les coteaux éclateront de joie avec chants de triomphe devant vous, et tous les arbres des champs frapperont des mains. Au lieu du buisson croîtra le sapin, et au lieu de l'épine croîtra le myrte, et ceci fera connaître le nom de l'Éternel, et ce sera un signe perpétuel, qui ne sera point retranché.